La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle série de la Compagnie des auteurs consacrée jusqu'à jeudi à l'écrivaine Maryse Condé. Une émission qui vous est proposée par Didier Pinault, Coppelia Menardi, Laurane Travaglichanal, Milena Elig, Anne-Vanessa Prévost et Clément Daté. Elle est l'auteur de plusieurs grandes œuvres dans différents genres littéraires, avec des romans comme Ségou, qu'il a fait connaître en 1984, mais également du théâtre, aussi des livres pour enfants et des récits autobiographiques comme Mes et Merveilles ou La vie sans phare. Ce livre dans lequel elle parle de sa vocation d'écrivain, de sa recherche d'identité et de la poursuite du bonheur au cours d'une vie qu'elle a toujours trouvée difficile, nous le verrons. De son œuvre, nous parlerons en particulier demain. Ce sera avec la professeure Françoise Pfaff qui sera avec nous en duplex de Washington. Nous évoquerons également sa vision politique dont nous parlerons d'ailleurs dans chacun de nos épisodes du fait de son importance pour l'écrivaine guadeloupéenne. Mercredi, Romuald de Fonquoy nous parlera des liens et des différences aussi entre Maryse Condé et certains écrivains dont il est spécialiste comme Aimé Césaire ou Léopold Sédar Senghor. Avec lui, nous nous demanderons également si l'on peut parler de réalisme magique pour décrire son œuvre. Et puis en seconde partie, Xavier Luce viendra nous parler du rapport de Maryse Condé avec la critique. Enfin jeudi, Christiane McQuarrie sera dans ce studio pour évoquer la place de l'ironie dans les livres de Maryse Condé et parler également de sa pièce « En temps révolution ». Écrite ironiquement sans doute d'ailleurs l'année du bicentenaire de la Révolution française. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous recevons la politologue Françoise Vergès, auteure de différents ouvrages, parmi lesquels « Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme », publié il y a quelques mois chez Albin Michel. Albin Michel, où elle avait publié également l'essai « La mémoire enchaînée », question sur l'esclavage en 2006. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, elle est surtout l'auteure du documentaire « Maryse Condé, une histoire singulière » réalisé pour France 5 par Jérôme Sesquin. C'était sur la vie et l'œuvre de la romancière, une vie que nous allons tenter de vous raconter aujourd'hui. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des auteurs. Si on peut dire que ma vocation est née, c'est un jour où j'ai fait un petit recueil de textes que je vais faire à ma mère pour son anniversaire. Et finalement, elle n'a pas du tout aimé l'image d'elle que je donnais dans ce poème. Elle a pleuré. Donc pour une enfant de, je sais pas, 8 ans, 9 ans, voir sa mère pleurer, c'est à la fois très douloureux peut-être, mais très grisant. Vous avez pris conscience du pouvoir des mots. Oui, on se dit, les mots, c'est fort, c'est beau. Donc je pense que j'ai voulu un métier qui me donnerait ce sentiment d'arriver, de pouvoir tout faire. Mais évidemment, c'est le plus dur peut-être du métier. Maryse Condé au micro de Paula Jacques en 2008. Bonjour Françoise Vergès. Bonjour. Alors on savait déjà que Maryse Condé était une femme qui ne s'en laissait pas compter. Et là, on apprend qu'elle était aussi, si l'on peut dire, une enfant très forte. Oui, je pense qu'il faut, ce qu'elle a raconté dans Conte à rire, à pleurer, La vie sans phare, elle grandit en Guadeloupe, et ses parents grandissent dans une Guadeloupe qui est encore une colonie. Ils sont noirs, ils aspirent à faire partie du monde de la petite bourgeoisie, du monde bien, ils veulent s'arracher à la vie des noirs prolétaires. Et elle grandit, mais à la fois très rebelle, on sent, elle, une rébellion très, très tôt, à une aspiration à quelque chose d'autre qui se lit ou dans l'anecdote que vous racontez ou dans ce sur quoi elle reviendra dans ses livres. Oui, et c'est assez exceptionnel parce que c'est une Maryse qu'on grandit dans une Guadeloupe encore très, très, je veux dire, c'est les années 50, je veux dire, elle est encore très coloniale. Et elle a quand même ce sentiment, enfin, il y a quelque chose en elle qui aspire à autre chose, alors que, qu'elle n'est pas entourée de personnes qui parlent de ces autres choses. Elle dit qu'elle a trouvé que son enfance en Guadeloupe n'avait pas été intéressante. Est-ce que vous pensez qu'elle exagère un petit peu quand elle dit ça? Parce que c'est vrai qu'elle peut avoir une tendance, un plaisir à exagérer, Maryse Condé. Oui, Maryse aime bien nous provoquer, mais je pense aussi, pensons à ce que Aimé Césaire disait quand il quitte la Martinique, il disait qu'il n'en pouvait plus, qu'il était tellement content de partir et de quitter la petite bourgeoisie martiniquaise dans laquelle il étouffait, de Frantz Fanon qui parle aussi de ça. Ce sont des sociétés, je pense que quand on est enfant, ça peut être très beau. Mais quand on devient adolescente et qu'on aspire à autre chose, ça peut être des sociétés qu'on trouve très conformistes, très étouffantes. Et Maryse a dû éprouver ce sentiment que, par exemple, moi je l'ai éprouvé à l'île de la Réunion. Il y a un moment donné où la manière, c'est pas que ces îles elles-mêmes ou leur culture soient été étroites, c'est le monde post-colonial qui est créé, qui vous donne envie de partir. Mmh. Alors il y a une rébellion dès cet âge-là chez Maryse Condé qui est évidente, qui l'empêche d'ailleurs à l'école d'avoir par exemple des prix d'excellence, même si elle est première de la classe. Oui, il y a en Maryse, si elle n'était pas devenue écrivain, elle serait sans doute, je ne sais pas, en tout cas, il y aurait quelque chose où cette rébellion se serait exprimée. C'est quelqu'un de rétif et on le sait, elle n'aime pas du tout le conformisme. Elle vous prend toujours de côté. Elle a horreur de s'aligner sur la majorité, sur la pensée majoritaire. Donc il y a quelque chose, oui, en elle qui se rebiffe tout de suite et qui a envie d'aller voir un petit peu ailleurs, de ne pas se soumettre naturellement à ce qui se dit ou ce qui se fait. Alors je crois que elle trouvait ses professeurs assez ennuyeux, sauf le professeur de gymnastique, ou la professeure peut-être d'ailleurs de gymnastique, avec qui ça se passait bien jusqu'au jour où Maryse Condé l'a reprise sur une faute de français. Et là je crois que ça a commencé à moins bien se passer. Oui, Maryse a aussi cette manière tout à fait tranquille de pointer les erreurs des unes et des autres. Il y a un plaisir à ça, vous croyez ? Je pense et surtout qu'elle n'aime pas le faux semblant, qu'elle n'aime pas la prétention et qu'elle a envie un peu, puisqu'elle-même c'est ce qu'elle dit dans La vie sans faire, c'est-à-dire que elle va essayer de dire les choses, mais elle sait bien que sans doute ça va aussi en masquer d'autres. Je pense qu'elle est consciente de ça et que elle aimerait plus de sincérité. Mmh. Elle est consciente que les mots, même ce qu'elle prononce elle-même, ne peuvent pas dire la totalité de sa pensée. Oui, elle en est tout à fait consciente. Elle est consciente que, évidemment, quand on écrit ou quand on parle, on dit des choses et qu'à la fois on en masque, qu'il faut toujours aller plus loin. Et son travail, tout son travail littéraire, c'est de ça. C'est de s'attaquer aussi à des histoires qui lui font explorer autrement des mythes, des légendes, des notions. Et de se dire, oui, mais enfin, par exemple, ah oui, on dit ça, mais alors si je le regardais d'une autre manière, qu'est-ce que je verrais ? Mm-hmm. Donc de revoir les hauts du relevant d'une autre manière. Ou enfin, des épisodes ou des faits divers qu'elle lit dans les journaux. Et si je les voyais autrement que la manière dont on les raconte dans les journaux, si je faisais apparaître d'autres vérités, ça changerait aussi la manière d'aborder ces questions. Donc elle est née le 11 février 1937 à Pointe-à-Pitre. C'est la dernière d'une famille de 8 enfants. Ce qui en fait, d'ailleurs, elle ne s'en est pas cachée, une enfant plutôt gâtée. Sa mère était institutrice et c'est une des premières femmes noires de sa génération qui était institutrice. Oui, c'est ce que je disais. Maryse n'en parle pas beaucoup, mais certainement ça a dû beaucoup compter, ça comptait beaucoup à l'époque, de sortir justement de la paysannerie, qui était le sort des Noirs dans ces pays, dans ces colonies. Être institutrice ou être instituteur, c'était vraiment, l'école était quand même était considérée comme l'accomplissement le plus grand. D'abord, ça voulait dire la maîtrise de la langue française qu'on avait réussi, et aussi l'investissement dans l'enseignement qu'ont eu les esclaves et les descendants d'esclaves, puisque c'était l'école qui allait vous sortir d'une situation où on vous condamnait à l'illettrisme, à l'analphabétisme. Donc c'est un milieu de petite bourgeoisie, parce que son père a créé une banque, qui a d'ailleurs périclité après sa mort. Elle se trouve donc, Maryse Condé, sans cesse en porte-à-faux, entre un milieu social qui est celui de la petite bourgeoisie et une couleur de peau qui est la couleur noire. Et ça, ce sera, j'imagine, déterminant, cette espèce de constante entre deux. Elle observe aussi ce qu'elle raconte dans le documentaire qu'on avait fait. Elle observe que dans sa famille, on n'aime pas les noirs parce qu'ils sont trop noirs, on n'aime pas les mulâtres parce qu'ils sont arrogants, on n'aime pas les blancs parce que ceci, finalement, on n'aime personne, si vous voulez. Mais ça, c'est un peu, c'est sa famille, hein. Mais à travers ça, ça reflète aussi la forme de colorisme qui existait aux Antilles et qui fait que vous essayez toujours de trouver quelqu'un au-dessous de vous, si vous voulez. Donc il y a toute une hiérarchie qui n'est pas simplement une hiérarchie de classe sociale, qui est aussi une hiérarchie de couleur de peau. On va se rapprocher le plus possible du blanc, qui est quand même, bon, évidemment, le préférable. Et on se construit qu'on est quand même mieux que les autres. Elle dit à quel point ses parents ne voulaient pas fréquenter à la fois ces gens comme ci, ces gens comme ça, parce que personne n'était à la hauteur. Et elle le leur reproche, ça, vous croyez ? Elle voit, je ne sais pas si elle le reproche, mais elle voit que c'est étouffant, que c'est du coup, ça construit un monde très étroit. Elle n'a aucune idée, elle n'a aucun contact, dit-elle, avec le peuple guadeloupéen, avec les personnes qu'elle voit quand même, quand elle va à l'école ou quand elle en revient. Il n'y a pas de contact direct avec le peuple guadeloupéen. En tout cas, l'avantage de ses parents, qui étaient fiers finalement de ce qu'ils étaient, comme elle le raconte, c'est que ses parents lui ont transmis une certaine fierté. Il n'y a pas de complexe d'infériorité, elle le dit, chez Maryse Condé, qui a toujours pensé, je la cite, qu'elle était une des femmes les plus intelligentes du monde. Est-ce que c'est ironique quand elle dit ça, vous croyez ? Je pense que ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'elle a une très grande transsensibilité à des tas de choses et puis qu'elle est capable de revenir sur des choses qu'elle a pensées. Quand elle parle de ses voyages en Afrique, de vouloir redécouvrir l'Afrique, enfin, est-ce qu'elle est africaine, elle est capable ensuite de parler des illusions qu'elle avait, des erreurs qu'elle a pu faire. Sincèrement à l'époque peut-être, mais qu'elle voit rétrospectivement comme étant de la naïveté ou des illusions. Je pense que c'est de ça qu'elle parle quand elle dit intelligente, c'est cette capacité qui n'est pas donnée, que tout le monde ne veut pas avoir. C'est pas simplement qu'il n'est pas donné, mais parce que de l'avoir, ça vous oblige à revenir sur vos erreurs et à revenir sur vos illusions et sur vos naïvetés. Et tout le monde n'a pas envie de ça, de cette rigueur. De cette lumière. Trop aveuglante. Alors l'enfance de Maryse Condé, c'est donc une enfance en Guadeloupe, sur cette île qui reste pour elle un lieu insaisissable. Elle le disait en 2005 à Catherine Pont-Imbert. La Guadeloupe, pour moi, c'est une chose que je ne cesse pas de découvrir et puis d'essayer de comprendre. Elle change tout le temps. En fait, le pays n'est pas du tout statique comme quoi. Il n'y a pas une Guadeloupe. Il y a une série d'images qui se modifient au fur et à mesure. Et comme je n'y suis pas tout le temps, je vis un peu en dehors du pays et je reviens de temps en temps. Chaque fois que je reviens, il y a quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui a changé. Quand je cherche, par exemple, la Guadeloupe de quand j'étais petite, elle n'est pas là. Quand je cherche la Guadeloupe à laquelle je rêve, quand je suis en dehors du pays, elle n'est pas là non plus. Et pourtant, il y a une sorte de permanence. Vous voyez, c'est très difficile à expliquer. C'est permanent et c'est contradictoire. C'est mouvant et c'est toujours pareil. C'est plutôt au niveau du vécu, une sorte de recherche dans un paysage que je ne domine pas toujours et que j'arrive plus ou moins à reproduire dans les textes littéraires. La compagnie des auteurs sur France Culture. Comment vous comprenez ce que vient de dire Maryse Condé de son rapport à la Guadeloupe, Françoise Vergès ? Je ne peux pas parler pour elle, mais je peux comprendre si je pense pour moi, si vous voulez, de ces lieux qui sont des lieux d'enfance extrêmement familiers, qui ont contribué à faire qui nous sommes, je veux dire, devenir d'îles, qui ont été des îles colonies, puis qui ont à la fois des paysages totalement différents, qui sont des paysages très, très profonds, qui marquent, je pense. Mm-hmm. Il y a aussi la manière dont les saisons se déclinent, c'est-à-dire pas du tout comme en Europe ou ailleurs, et puis la présence des cyclones qui montrent une présence de la nature très forte. Et l'histoire qui marque, et en même temps, ce sont quand même des pays eux-mêmes très divisés, Et il y a aussi une division à l'intérieur des personnes que Frantz Fanon a très bien décrit. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire ça reste insaisissable parce que à la fois c'est ça change parce que les choses changent heureusement, et aussi parce que finalement, enfin moi je reprendrai un petit peu ce dont un ami parle, Karpana Marimutu, c'est-à-dire que ce sont des pays aussi difficiles à habiter complètement parce qu'ils sont restés tellement marqués par leur histoire qu'ils ne sont pas pleinement devenus des pays en soi, des pays à soi, et on reste toujours un petit peu entre deux. Alors, justement, Marie Escondé a quitté ce pays quand elle avait 16 ans pour Paris. Elle était venue déjà avec ses parents qui aimaient beaucoup Paris, qui lui parlaient beaucoup de Paris. Et donc, à ses 16 ans, elle vient pour être scolarisée ici en France, et enfin en France métropolitaine. Et elle dit qu'elle n'a jamais été vraiment dépaysée à Paris. Il y a eu tout de suite une évidence quand elle est arrivée dans cette ville. Marie se dit souvent que c'est que tout de suite ça a été familier, parce qu'en fait elle trouvait ce qu'elle cherchait aussi, des personnes ouvertes, une ouverture à la philosophie, à la littérature, de rencontrer aussi la littérature africaine, les autres littératures là, de pouvoir entendre ces personnes. Et il y a un sentiment qui est décrit aussi, qui a été décrit par Césaire, par exemple. C'est-à-dire, il arrive à Paris, il est chez lui. Mmh. Il est chez lui. Parce que il y a aussi le fait que quand vous venez de ces pays, vous possédez plusieurs cultures, dont la culture française. Vous avez appris à l'école la littérature française, vous avez appris l'histoire française, la géographie, donc de la France hexagonale, donc vous les connaissez. Et vous arrivez à la fois avec ce que vous avez appris, mais aussi ça. Donc, ça, en fait, vous arrivez avec une richesse, quelque chose de double par rapport aux Français de l'Hexagone qui parfois ne possèdent pas de double culture. On possède une. Là, vous en possédez deux. Donc, il y a quelque chose qui vous est déjà familier, même si la ville, vous ne savez pas encore circuler dans la ville. Quelque chose de ce qui vous est présenté, de cette société, vous est totalement familière. Et pourtant, c'est à Paris qu'elle va se rendre compte de ce qu'implique sa couleur de peau. Écoutez. Quand j'étais petite et adolescente, je voyais bien que j'étais noire. Dans la glace, je me regardais, je voyais une enfant noire. Mais ça n'avait aucune signification. Pas de valeur culturelle, pas d'engagement politique. C'était une couleur qui était insignifiante, qui n'avait aucun signifié. Pour que tout change, il a fallu venir à Paris et seul, pas avec mes parents qui me protégeaient, mais seul dans une classe d'hippocagne à Paris, avec des profs très hostiles, très moqueurs, avec des étudiants pas hostiles, mais paternalistes, protecteurs, qui m'ont fait réaliser qu'en fait, j'étais absolument différente. Et j'ai eu envie de comprendre quelles étaient ces différences, de cerner ces différences. Autrement, je pense que je n'y serais jamais arrivée. Je serais restée en Guadeloupe, que je n'aurais jamais compris que j'ai une origine, une histoire, une ethnicité différente. Et ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est quand j'entends dire que la couleur, la race ne signifie rien, alors que pour les gens de ma génération, c'était absolument capital. Donc il a fallu ce déplacement géographique, Françoise Vergès, pour que se fasse la prise de conscience. Est-ce que ça signifie que en Guadeloupe, pour Marie Escondé, la couleur de peau n'était pas finalement un sujet? Oui, ça pouvait ne pas être un sujet. D'une part, elle n'était pas non plus dans un milieu qui allait lui faire ressentir ça. Je veux dire, elle n'appartenait pas à une famille de paysans pauvres. Ou peut-être là, il y aurait eu aussi des formes d'insultes raciales, même à la Guadeloupe. Et cette description que aussi, par exemple, Césaire, qui s'entend traiter de nègre dans la rue et qui répond « le nègre vous emmerde » ou Fanon qui raconte fameusement qu'une petite fille se met à hurler « maman, maman, un nègre, j'ai peur ». Elle le raconte ça aussi, Marie Escondé, qu'elle va chez des amis et que les petits-enfants sont extrêmement effrayés et qu'il faut les rassurer pendant 20 minutes. Voilà, donc il y a cette rencontre qui, tout d'un coup, vous met dans une position à laquelle vous n'aviez pas pensé. C'est-à-dire que vous, comme elle dit, elle se voyait noire, mais enfin, ça n'avait pas plus de signification que cela. Tout d'un coup, cette couleur devient une question sociale culturelle, dans le monde dans lequel elle vit. Et donc, elle est confrontée au fait que la couleur n'est pas simplement une couleur de peau, comme il y en a 25 000 couleurs de peau, mais quelque chose qui la marque historiquement et socialement. Et donc, la conséquence de ça, pour elle, ça va être d'abord un engagement politique à gauche. Elle a une camarade de classe dont le père est un intellectuel marxiste et qui va lui ouvrir finalement des horizons philosophiques, politiques différents. Oui, quand vous êtes confronté tout d'un coup à une réalité qui était là mais dont vous n'aviez pas conscience parce que justement les autres vous la renvoient, vous essayez de comprendre pourquoi, d'où ça vient. Une des analyses qui était offerte, c'était l'analyse marxiste, qui comment ça s'organise, pourquoi il y a des pays exploités, pourquoi il y a eu des colonies, pourquoi il y a eu le colonialisme, l'impérialisme. D'autres théories qui s'offrent déjà à l'époque, c'est celle de Fanon dans Peau noire, masque blanc. Enfin, il y a tout. Vous cherchez évidemment à comprendre parce que vous comprenez bien que c'est pas qu'une question personnelle, c'est pas que vous, c'est pas que moi, Marie Scandé, ou moi, Françoise Arjas, ou moi, Aimé Césaire. Il y a quelque chose qui vous dépasse, donc vous avez besoin de comprendre comment votre expérience personnelle se rattache à une expérience plus générale, historique. Et c'est là qu'elle va donc aller à la recherche de ces différentes explications et pour mieux comprendre qu'est-ce qui fait d'elle une femme noire et non pas simplement Marie Scandé. Et alors quand elle pense femme noire, forcément elle pense à l'Afrique et donc elle va se rapprocher du milieu des étudiants qui viennent des différents pays d'Afrique et qui vivent à Paris. Elle va même se marier avec quelqu'un qui vient, je crois, de Guinée, c'est ça ? Oui. Mamadou Kondé. Alors, elle fait sa connaissance parce qu'il jouait dans une pièce de Jeunet, Les Nègres. Oui, il joue dans les pièces de Jeunet. Alors, qui aussi signifie qu'à l'époque, à Paris, il y a quand même des possibilités. On n'est pas non plus, et il y a pour cette jeune fille noire, elle n'est pas dans un désert. Il y a des étudiants noirs ou des artistes, comme vous faisiez remarquer. Il y a déjà la librairie Présence Africaine. Il y a des journaux. Donc, il y a quand même pour une jeune fille des lieux où se rendre, où aller pour trouver. Et elle va épouser Mamadou Kondé et ensuite aller en Afrique, réellement aller sur le continent africain. Qui a été à cette époque et qui l'est encore toujours un moment pour beaucoup de noirs dans le monde, un moment d'aller comprendre d'où on vient quand même. C'est-à-dire que puisque si vous soyez noir dans les Amériques, dans les Caraïbes ou ailleurs, vous êtes rattaché à cette histoire de la traite et de l'esclavage. Aujourd'hui, évidemment, il y a des Africains qui arrivent dans les Amériques qui ne sont pas reliés à cette histoire. Mais enfin, quand même, que ce soit le Brésil, le Mexique, enfin, quand on pense la masse du monde, des Amériques et des Caraïbes, vous êtes reliés à cette histoire. Donc, il y a quelque chose quand même d'aller voir mais c'est quoi ce continent dont, à l'époque, on se souvient, enfin, déjà, c'est encore aujourd'hui, on ne connaissait pratiquement rien. Pratiquement rien. Ce qu'on apprenait à l'école, c'était rien. Rien. Donc, elle a rien appris à l'école. À l'université, on n'apprenait pas non plus les grands auteurs africains. On apprenait la littérature française classique. Donc, elle y va assez joyeusement, finalement, à la recherche de ses origines. Et là, elle va parcourir tout un tas de pays. Alors, il faut préciser quand même que d'abord, elle y va par l'intermédiaire du ministère de la Coopération. Elle va en Côte d'Ivoire et elle va enseigner dans les petites classes en quatrième et en cinquième. Donc, c'est un peu comme représentante officielle, d'une certaine manière, de la France qu'elle va aller en Côte d'Ivoire. Historiquement, enfin, bien avant même, donc, Maryse, le voyage de Maryse, les Antillais ont fourni à la colonisation française nombre de fonctionnaires dans les différents services coloniaux, puis ensuite dans la coopération vers l'Afrique, parce qu'on pensait qu'à la fois, ils parlaient français, ils étaient français, ils étaient citoyens français, et ils étaient noirs. Donc, il y avait quelque chose qui pourrait apparemment, naturellement, se faire. Et Maryse, oui, elle va apprendre le français, parce Maryse ne parlait aucune des langues africaines, donc c'était le français qu'elle va enseigner. Mais ça montre bien aussi ces différentes, la question diasporique noire, c'est-à-dire Elle parle français, un autre aurait parlé portugais, un autre aurait parlé espagnol. Et ça, cette vaste présence africaine dans le monde qui fait qu'on revient avec aussi d'autres cultures et d'autres langues en soi, d'autres histoires. Alors elle ira aussi en Guinée, puisque c'est le pays de son mari. Et là, c'est une période évidemment assez exaltante, parce que c'est justement le moment des indépendances. Elle-même, elle a fréquenté à Paris cette jeunesse qui cherche l'indépendance, notamment à la Fédération des étudiants d'Afrique noire, où elle a côtoyé Sékou Touré, qui va devenir le président de la Guinée. Est-ce qu'elle vous a parlé un petit peu du sentiment qui devait être peut-être un sentiment d'exaltation à l'époque pour elle? Oui, c'est un sentiment d'exaltation. Elle fait partie, elle sent bien qu'elle fait partie d'une histoire qui est en train de se faire, qui est en train de s'écrire. Elle n'a pas la relation d'une militante politique à tout cela, mais elle a la relation, une relation en tout cas de désir et de connaître, de connaissance, d'être plus proche de tout ça, qui l'emporte quand même. Elle est encore une toute jeune femme. Elle rencontre des personnes et l'Afrique se lève. Enfin, donc un sentiment de participer à quelque chose vraiment, d'exaltant, je pense. Ça devait être tout à fait exaltant pour toute cette génération. Une exaltation qui va aussi retomber assez rapidement. Rapidement les indépendances, elle va se rendre compte de ce que ça signifie aussi que l'indépendance pour un certain nombre de ces pays, peut-être en particulier d'ailleurs. Oui, il y a plusieurs choses dont elle parle à plusieurs reprises ou dans des interviews ou dans ses autobiographies. C'est-à-dire que d'une part, elle n'est pas nécessairement acceptée par les sociétés africaines, la société africaine, notamment par les femmes, dans ces sociétés, dans ces communautés assez organisées selon le genre. Et elle est là avec ses enfants. Elle a déjà eu un ou deux enfants, je me souviens plus. Et elle n'est pas nécessairement acceptée déjà par les femmes africaines qui la regardent en ricanant. Elle s'aperçoit, son mari n'est pas non plus très souvent là. Elle s'aperçoit que le couple ne marche pas d'ailleurs forcément très bien. Ça ne marche pas très bien. Entre le rêve, l'espoir et la réalité, elle voit vraiment l'écart. Et donc tout ça commence pour elle à se dire, elle commence à se poser des questions. Elle n'est pas tellement... Oui, elle ne parle pas d'années très heureuses, nécessairement. Si on peut en croire ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit à ce moment-là. Donc c'est tout de même une dizaine d'années en Afrique. C'est aussi le moment où elle va imaginer, sans doute, ce grand roman qu'est Sékou, en allant visiter un certain nombre de lieux dans ce continent. Sékou qui sera un roman historique, un roman aussi engagé, sur le Mali. Et donc il y a aussi la découverte culturelle quand même La découverte de l'existence de grandes civilisations dont elle veut comprendre pourquoi d'abord cette existence, elle n'en a jamais eu connaissance, c'est très très refoulé, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été aussi les autres moments historiques avant la colonisation européenne pour que l'histoire de l'Afrique ne commence pas avec la colonisation européenne, qu'elle a existé auparavant, qu'il y a eu des royaumes, qu'il y a eu des guerres, qu'il y a eu... Donc elle va vouloir faire toute cette recherche. Maryse est très curieuse, c'est ça qui est... Elle est vraiment extraordinaire pour ça, elle ne perd rien de sa curiosité au fil des ans. Et quand elle se met, elle a voulu écrire, comprendre, mais pourquoi tout ça avait dit, on n'en parlait pas. Elle s'est lancée, et puis elle fait ce roman, et elle l'écrit, elle en écrit donc plusieurs volumes, pour elle-même, et puis pour faire connaître cette histoire. Pour faire comprendre au monde entier qu'il y a en Afrique des civilisations très profondes. Très profondes, qui perdurent au sens où elles ont peut-être disparu en tant qu'organisation sociale, mais n'ont pas disparu en tant que mémoire et histoire. Je veux dire, les colonisations se greffent sur ces histoires, elles ne les effacent pas. Des royaumes ont existé, des grandes villes ont existé, des universités ont existé bien avant l'arrivée des Européens, qui avaient des liens commerciaux d'un endroit du continent à l'autre, ou avec l'Asie, ou avec ce qu'on appelle le pays du Golfe maintenant, du Golfe arabique, donc, entre le nord et le sud de l'Afrique. Et elle montre ce monde extrêmement vivant, extrêmement plein d'énergie, qui est là et qui surtout fait mentir cette image d'une Afrique en attente passive et en attente de l'arrivée des Européens pour la civiliser et la réveiller. Françoise Vergès, on va reprendre cette conversation et continuer de raconter la vie de Maryse Condé dans quelques minutes, juste après les conseils littéraires dans Compagnie des Revues. La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues et en compagnie précisément de la revue Page des Libraires, représentée aujourd'hui par vous-même, Anne-Sophie Rouvelou, bonjour. Bonjour. Puisqu'on parle de Maryse Condé cette semaine, vous souhaitez lire votre lecture de son livre Histoire de la femme cannibale avec deux ouvrages et une bande dessinée en lien avec l'Afrique, le racisme, l'esclavage, les origines. Tout à fait, oui, c'est un ouvrage vraiment particulier de Maryse Condé qui m'a donné un petit peu l'inspiration, l'envie de faire la sélection d'aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez dit, c'est Histoire de la femme cannibale, où on fait la connaissance de Rosélie, qui est une Antillaise qui est installée en Afrique du Sud, donc au Cap. Et en fait, Rosélie, elle essaie de survivre au meurtre de son mari qui a été assassiné dans une ruelle. Et en fait, elle se retrouve complètement perdue parce qu'il était tout pour elle, mais aussi parce qu'elle l'a suivi dans le monde entier, au gré de ses affectations de poste, parce qu'il était professeur. Donc, elle se sent étrangère partout. Et en fait, cet ouvrage, évidemment, moi, je l'ai trouvé assez désenchanté parce qu'elle relate un petit peu, donc, le personnage, toutes les difficultés qu'elle a eues parce que son couple était mixte, par rapport aux préjugés, en fait, que les gens avaient, les incompréhensions sur la couleur de peau, sur le racisme qu'elle a pu rencontrer. Et en fait, il y a une formule que j'ai notée parce qu'elle m'a vraiment marquée, qui est un moment où Rosélie dit « Le monde est un linge mal repassé dont on ne peut corriger les faux plis ». Et c'est du coup ce poids un petit peu du passé qui m'a marqué et qui m'a permis un petit peu de faire le lien avec la sélection d'aujourd'hui. Alors cette sélection, elle commence avec « No Home » de Yaa Gyasi, le livre de poche. Exactement, c'est un ouvrage que j'ai trouvé absolument remarquable parce que j'ai trouvé qu'il se dévorait vraiment comme une grande saga. Il démarre au XVIIIe siècle au Ghana, en plein commerce triangulaire. On va suivre Efia et Si, qui vivent dans deux villages différents. Ces deux femmes, en fait, ces deux jeunes femmes plutôt, elles sont demi-sœurs, mais elles l'ignorent et elles vont avoir deux destins opposés. C'est-à-dire que Efia, elle, va être offerte comme épouse au capitaine anglais du fort de Cape Coast et aura une existence, j'ai envie de dire, un peu plus protégée, bien que, voilà, que sa sœur, qui est Si, qui elle, va être vendue comme esclave et qui est emprisonnée dans un cachot du fort, à quelques mètres même de sa sœur, qui pourtant l'ignore, et qui va être en fait embarquée sur un bateau négrier à destination des États-Unis. Mmh. Sachant que ça, c'est le point de départ du roman, et ce qui est très très fort, c'est qu'on va suivre en fait l'arbre généalogique de ces deux sœurs, c'est-à-dire que chaque nouveau chapitre va vraiment aborder un membre de leur descendance en fait. Ce qui permet évidemment de parcourir peut-être 250 ans de l'histoire, d'aborder des sujets comme tout ce qui est les arrangements un petit peu commerciaux qu'il y avait entre les esclavagistes et certains membres de tribus africaines. On est évidemment dans les plantations de coton et on arrive aussi, et c'est très intéressant et ça nous permet de faire le lien avec notre actualité, on arrive aux États-Unis de nos jours avec des cas de violence policière. Et sachant que ce roman est vraiment exceptionnel parce que, évidemment, ça nous parle de notre passé, mais ça garde une conscience un petit peu ouverte, un petit peu par rapport à notre actualité. Votre deuxième sélection parle aussi du passé des États-Unis. C'est 5 branches de coton noir, c'est chez Dupuis par Sant et Cusor. Tout à fait, ouais. Et cette bande dessinée, elle a un thème évidemment qui est très fort. C'est aussi un objet qui est magnifique. Les dessins tout en noir et blanc, ils sont vraiment superbes avec les expressions sur les visages. Et donc, pour revenir à l'histoire, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va suivre deux époques en parallèle. C'est-à-dire que la première, on est à Philadelphie. En 1776, on est avec une domestique qui s'appelle Angela Brown et qui coud comme ça deux étoiles noires, en fait, dans un drapeau qui va devenir la bannière étoilée des États-Unis. Et elle coud ces deux étoiles noires, qui est un symbole très fort, parce que deux de ses proches ont été assassinés par des Blancs. Mmh. L'autre période, elle est à Louvre en 1944. On est avec un soldat américain qui s'appelle Lincoln et qui a été envoyé en renfort en Europe pour combattre l'Allemagne nazie. Mais vu qu'il est noir, on le met de côté, on le cantonne aux basses taches. Mais grâce à sa sœur qui vient de découvrir les mémoires d'Angela, il va être intégré à une escouade spéciale, en fait, chargée de rechercher cette fameuse bannière étoilée qui est tombée aux mains des nazis. Donc un très beau roman graphique en noir et blanc. Et puis L'arme blanche chez Lattès par Harry Kunzru. Oui, alors celui-ci, je le défends vraiment mordicus parce que c'est un ouvrage qui est très, très, très surprenant. Ça se passe de nos jours, en fait. On est avec deux jeunes qui sont amis. Il y a Carter, qui est un jeune homme qui est riche, qui est plutôt fort en gueule. Et Seth, son ami qui est plus réservé, qui vivote un petit peu. Et ces deux-là, en fait, ce qui les réunit, même s'ils sont très différents, c'est leur passion pour la musique et le blues en particulier. Et un jour, Seth va enregistrer un chant comme ça dans un parc new-yorkais, un chant qui semble avoir un petit peu traversé les temps. Et ces deux-là, ils vont décider d'en faire un morceau de musique, mais comme si c'était quelque chose d'authentique qui date de 1928, un morceau de blues. Et donc, ils vont appeler ça le Graveyard Blues d'un certain Charlie Cho. C'est une supercherie, sauf qu'un collectionneur va un petit peu les harceler, entre guillemets, et leur dire « Non, mais Charlie Cho a vraiment existé. Vous allez voir, il y a une histoire, ce nom va vous porter malheur. » Et effectivement, quelques jours après, Carter, il va être retrouvé battu à mort dans une ruelle. Et à partir de ce moment-là, je ne vous dis rien, parce que là, comme ça, ça peut paraître compliqué un petit peu le lien avec tous les thèmes que j'ai évoqués avant, mais ça sera à vous de voir, parce que là aussi, il y a un lourd passé ségrégationniste, il y a aussi tout ce que les Blancs ont pris à la culture noire, et je vous laisse vraiment découvrir un petit peu le secret derrière ça, mais sachez qu'on part dans une sorte de récit, on a l'impression d'être dans un film de David Lynch, et c'est brillant. L'arme blanche, c'est chez Lattès, Françoise Vergès, est-ce que vous retenez une chose en particulier de la sélection? Go Home, je l'avais lu quand il est sorti. Le dernier, non, j'en ai pas entendu parler. Et les romans graphiques, vous les consommez les autres livres? Je connais pas celui-là, oui. Mais je lis beaucoup en anglais, donc dès que les livres sortent, je les lis avant qu'ils soient traduits. Donc souvent, je les ai déjà lus quand ils sont traduits. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci. Je rappelle que vous êtes libraire à la librairie Chronique de Cachan et collaboratrice du magazine Page des libraires. À très bientôt. La compagnie des auteurs sur France Culture, elle est consacrée jusqu'à jeudi à Maryse Condé. Et pour repartir dans cette seconde partie, cet extrait d'un entretien de 1984 avec Daniel Maximin. C'est pas très simple. Il est évident que j'étais une Antillaise et que je n'avais aucune connaissance de l'Afrique. Je ne savais, comme toutes les Antillaises, élevée aux Antilles, je n'avais pas d'image précise de l'Afrique et je ne m'y intéressais pas particulièrement. Mais il s'est passé un moment de ma vie, un événement très important dont j'ai pas tellement envie de parler, après lequel il m'a fallu tourner le dos complètement à ce que j'avais été jusqu'alors. Alors, je me suis lancée, pour oublier certains faits, je me suis lancée dans le militantisme étudiant avec des étudiants africains. Pourquoi le militantisme? Parce que ça vous permet d'oublier vos problèmes personnels, vos petits déboires, vos petits soucis. Pourquoi étudiants africains? Parce que justement, il me semblait que les étudiants africains étaient beaucoup plus loin de moi que par exemple des Français que je côtoyais à cette époque-là. Ça se situait dans beaucoup les années 50. Oui, à cette époque-là, c'était ça. Dans les années 50, quand j'ai commencé à militer avec des étudiants africains, c'était justement pour me fuir et fuir le milieu qui était le mien. Il me semblait qu'en allant avec eux en Afrique, j'allais très très loin de moi-même. Et puis c'était aussi le grand combat de la décolonisation, le moment où des dizaines d'étudiants antillais, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, partaient, comme il dit, servir en Afrique. C'était le temps de s'écoutourer, le temps des indépendances africaines. Oui, mais moi je ne suis pas partie justement, c'est ça qui est intéressant, je ne suis pas partie pour ça. Je suis partie d'abord parce que je voulais absolument m'en aller très très loin. Et qu'il me semblait que l'Afrique était le lieu le plus loin de moi-même, le plus éloigné de moi-même. Et c'est quand je suis arrivée en Afrique, avec un mari que j'avais choisi parce qu'il me paraissait profondément différent de moi, que je me suis aperçue qu'en fait l'Afrique était une terre qui était la mienne. Et si vous voulez, c'est là, en arrivant là, que j'ai commencé à m'engager, si vous, on peut employer ce terme extrêmement galvaudé, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me battre avec les camarades, avec les copains. Alors Françoise Vergès, on le comprend de plus en plus, je crois, la question politique pour Maryse Condé, elle est aussi une question personnelle, elle est aussi un sentiment, elle est aussi une émotion. Ces deux choses-là semblent toujours chez elle. Alors vous allez me dire c'est toujours comme ça, mais peut-être encore plus que pour d'autres personnes mêlées. Je pense que pour toute une génération à partir des années 50, la question de la décolonisation, elle n'est pas simplement la réappropriation de la terre et du pays, mais la question de l'émancipation de soi. Alors évidemment, on pourrait reciter Fanon, mais même des tas d'auteurs, que ce soit dans la littérature ou en politique, il ne suffit pas de libérer le pays, il faut libérer soi-même. Mmh. Il y a quelque chose qui nous a aliénés, il y a quelque chose, même le vocabulaire, on parle dans une langue qui ne nous permet pas de dire qui nous sommes. Donc il y a cet effort de liberté, et Marie, là ce qui est peut-être vraiment singulier, c'est qu'elle est à la recherche de cette liberté. Alors je sais qu'une femme libre, c'est totalement galvaudé, tout le monde de toute façon est libre aujourd'hui, je suis libre, mais là, cette liberté est quelque chose qui fait vraiment prendre un risque, parce qu'on va vraiment plus loin de soi pour rechercher ce qui vous a entravé, quelles ont été les entraves que vous êtes mis vous-même ou qui vous ont été mises, mais donc d'aller au plus loin de ça, ce qui fait se découvrir soi-même et peut-être des choses qu'on n'avait pas envie de découvrir. Et en ça, Maryse n'a pas peur. Elle n'a pas du tout peur de ça. Et je pense que c'est ça qui est frappant pour les personnes qui la connaissent ou qui lisent son travail, c'est de voir à quel point elle n'a pas peur. Mais est-ce que vous pensez qu'elle a atteint cette liberté qu'elle recherchait? Et est-ce que vous avez aussi le sentiment que cette quête, qui paraît être vraiment la quête de sa vie, que de ressentir l'appartenance à une terre, est-ce que vous croyez qu'après avoir vécu tout autour du monde ou presque, elle a fini par ressentir ce sentiment? Ce qu'elle disait récemment, c'est que toutes ces questions d'identité, ça ne l'intéressait pas. Ça ne l'intéressait plus du tout. Mm-hmm. Elle trouvait ces... des enfermements. Et que finalement, on était là où on était. Et puis on choisissait l'endroit où on voulait être. Et à partir du moment où on faisait ce choix, on y était. On était là pleinement. Et elle a vécu, elle a grandi en Guadeloupe, elle a vécu en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique. Elle a vécu en France, elle a vécu aux États-Unis. Maintenant, elle vit de nouveau en France. Et elle a, chaque fois, je pense qu'elle a essayé d'être pleinement là où elle était. Donc l'identité, finalement, c'est derrière elle. D'une certaine façon, elle a résolu pour elle le elle problème. Elle a résolu au sens, justement, pas nécessairement de trouver cette identité, mais de penser, de finir par conclure que l'identité, ça n'apporte pas grand-chose, au sens, si ce n'est que ça, ce n'est pas ça la liberté. Parce que, après tout, l'identité, dans le terme en français, il y a l'identité à laquelle on vous assigne, il y a celle à laquelle vous vous assignez vous-même en pensant que vous vous libérez, mais en fait, vous vous mettez une autre prison, et qu'il faut rester assez ouvert, en fait. Les choses bougent. Il ne suffit pas de dire je suis une femme pour comprendre tout ce qu'on peut comprendre de la manière dont on vit ou de ce qui se passe autour de soi. Et là, Maryse n'a pas voulu du tout s'arrêter à ça. Au bout d'un moment, elle a compris que tout ça, c'était pas très intéressant. Alors, d'un pays à l'autre en Afrique, Elle a perdu son rêve mythique de l'Afrique. Elle est allée au Ghana, c'est un pays qu'on n'a pas encore cité. Là, on peut dire qu'elle a vraiment compris comment les indépendances africaines fonctionnaient et pourquoi elles fonctionnaient aussi si difficilement. Oui, bon, le Ghana, n'oublions pas le rôle que le Ghana a joué. C'est Nkrumah qui est quand même un des plus grands dirigeants de la décolonisation africaine, qui est à la tête du Ghana. Le Ghana est vraiment au cœur. Beaucoup de gens viennent là, de Noirs, d'Africains américains. W.B. Du Bois, qui est un grand philosophe, un grand historien africain-américain, vit là. D'autres viendront se réfugier au Ghana. Le Ghana occupe vraiment une place extrêmement importante dans le moment de décolonisation africain. Mais il est vrai que d'abord, il va avoir des dérives autoritaires dans les différents régimes africains. Il y a aussi les difficultés économiques qui ne sont pas simplement dues à des questions internes, mais qui sont dues au fait que les pays occidentaux ne laissent pas les pays africains se développer comme ils voudraient se développer, qu'il y a une dépendance qui se poursuit, que les richesses de l'Afrique continuent à être extraites pour l'Occident et pas pour les richesses africaines. Donc tout ça fait que au bout de quelques années, les promesses ne sont pas réellement tenues. Et qu'on a l'impression que, mais quand même, on aurait dû, je sais pas, éducation, santé, transport, enfin tout ce qui fait la vie sociale, culturelle, devrait mieux se porter, et que elle s'aperçoit, comme d'autres d'ailleurs, que la pauvreté est toujours là, une nouvelle caste est en train de se créer, qui est prédatrice, ou autoritaire, et militaire, ou dictatoriale, et que donc il y a quelque chose qui va déboucher sur plusieurs années de pays soumis à des dictatures ou à des régimes policiers jusqu'à certains aujourd'hui. En ce sens, elle est assez proche peut-être d'un écrivain comme Amadou Kourouma, qui va être aussi avec elle un des premiers à pointer justement l'envers des indépendances. Ils se connaissent d'ailleurs, je crois. Oui, ils se connaissent. Il y a toute une génération, oui, très rapidement, assez rapidement, dès les années 60, fin des années 60, qui dans sa littérature ou dans des essais dénonce ce qui se passe. Et dit que, oui, la promesse est trahie, que quelque chose doit se faire. Mais n'oublions pas qu'il y a des guerres qui continuent. Les guerres continuent en Guinée-Bissau, en Mozambique, en Angola. L'Afrique, dans ces années-là, n'est pas encore entièrement libre. Djibouti est encore une colonie française. L'Afrique du Sud est soumise à l'apartheid. Il y a vraiment, oui, quelque chose à la fois de historiquement extrêmement important, qui à la fois, il y a des déceptions, puis il y a encore des combats qui se mènent. L'Afrique elle-même, elle n'est pas de toute façon, elle n'est pas figée. Elle n'est pas figée dans son temps. C'est parce qu'il y a eu des dictatures et des régimes totalitaires policiers que c'est là pour toujours. Je pense aussi que la décolonisation, il y a peut-être eu. Fanon dit que la décolonisation est un processus historique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a eu l'indépendance que ça s'arrête. Si vous voulez, après ça continue. C'est encore des années et des années. N'oublions pas que beaucoup de ces pays n'avaient pas de route, n'avaient pas de voie ferrée, il manquait des instituteurs, il manquait des ingénieurs, il manquait des médecins parce que toutes les colonisations anglaises ou françaises, portugaises sont parties, ou belges, c'est très connu pour le Congo, sont parties sans pratiquement rien laisser derrière eux, à la fois de personnes formées ou d'infrastructures. Donc ce sont des pays qui ont été d'abord dévastés avec énormément le travail forcé, qui ont subi le travail forcé et qui se retrouvent là à reconstruire un pays. Donc Maryse Condé est très contestataire. Et alors elle rencontre un avocat ghanéen qui s'appelle Kwame. Et lui, il n'est pas très contestataire. Donc elle a quitté son premier mari et puis elle imagine se remarier avec lui, mais c'est comme si une fatalité s'abattait sur elle d'être toujours avec des hommes qui n'étaient pas aussi contestataires qu'elle. Et du coup, elle décide finalement de ne pas se marier avec lui. Elle se mariera en revanche avec celui qui est toujours son mari aujourd'hui et qui, de manière peut-être un peu inattendue, vous allez nous le dire si c'est le cas ou pas, est en fait un Anglais blanc. Oui, c'est un Anglais blanc. Richard est un, oui, tout à fait un Anglais blanc. Et il le dit d'ailleurs, il dit qu'au début, leur relation a étonné tout le petit milieu au Sénégal, a choqué. Et on peut dire, on pourrait dire qu'effectivement, tiens, c'est pas du tout ce qu'on aurait pensé que Maryse aurait choisi après tous les hommes avec qui elle était. Mais en même temps, elle le dit aussi que c'est grâce à Richard Philcox qu'elle est devenue écrivain, qu'elle a rencontré aussi quelqu'un avec qui, enfin, elle pouvait être elle-même aussi. Pas simplement être écrivain, mais enfin elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas non plus à prouver justement qu'elle était africaine, qu'elle était noire, qu'elle était pour l'indépendance. Enfin, parce que à la fois dans ses relations avec ces hommes-là, elle les trouvait pas assez contestataires ou pas assez révolutionnaires, mais il y avait comme une attente qu'elle occupe la place de la femme noire militante. Et là, avec Richard, elle n'avait pas besoin d'occuper toutes ses places. Oui. Elle pouvait être elle-même. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Elle peut devenir écrivain parce qu'en effet, on parle depuis le début de cette émission de la vie de Maryse Condé. On n'a pas encore parlé des livres. Il y a une raison pour cela, c'est que elle a écrit finalement très très tard. Elle a commencé à écrire très tard. Oui, elle écrit assez tard finalement. Sauf ce petit poème qu'elle avait écrit à sa mère à 8 ans, oui. Qui quand même était déjà signe de relation à l'écriture assez extraordinaire, parce que bon, on écrit des petites dictées, mais enfin d'offrir ça comme une œuvre à sa mère, c'est assez rare. Mmh. On offre un petit poème à sa maman pour la fête des mères, mais voilà. Et arriver à faire pleurer sa mère avec un poème à 8 ans, en effet, c'est assez rare. Voilà, bon. Alors donc elle peut enfin écrire et c'est là, oui, elle découvre sa carrière, enfin ça oui, d'écrivain. Elle découvre qu'elle a envie d'écrire, qu'elle a envie de raconter des histoires, qu'elle a envie d'écrire dans sa propre langue quand elle dit, qu'elle écrit comme elle dit, elle écrit en Maryse Condé, mm-hmm. et qu'on l'embête pas avec ça. Et voilà, et elle va donc découvrir à la fois sa voix, à tous les sens du terme, et nous offrir l'œuvre qu'elle nous a offerte. Alors on en parlera en particulier demain de cette œuvre. On n'a pas mentionné qu'il y a un retour quand même à Paris pendant quelques années pour Maryse Condé. Elle va devenir universitaire, notamment travailler à Paris 10, mais aussi à Paris 7, à Nanterre et à Paris 4. Et puis elle va travailler à Présence Africaine. Ce retour à Paris, est-ce qu'il a un sens particulier pour elle ? C'est un peu, enfin quand elle en parle, c'est un peu, si vous voulez, voilà, l'Afrique ça n'a pas marché, on peut dire au bout d'un moment, Paris est là, Paris, comme elle l'avait dit, c'est quand même un lieu assez familier, un lieu qui il n'y a pas d'amour choses. Pour Paris, mais en même temps il y a la reconnaissance, oui, que c'est un lieu où il peut, oui, se passer des choses. Oui, c'est un lieu aussi où elle trouve, elle aime le cinéma, donc elle peut aller au cinéma, elle peut aller au théâtre, c'est quand même une ville qui offre tout ça. Et puis bon, Présence Africaine, c'est quand même la maison d'édition africaine, historique, et puis de qualité. Et elle va pendant quelque temps aussi, mais elle ne va pas quand même trouver la carrière universitaire qu'elle pourrait avoir en France, pour toutes les raisons qu'on connaît et auxquelles se sont heurtées beaucoup d'autres de personnes diplômées. Qu'elle va trouver aux États-Unis. Et qu'elle va trouver aux États-Unis. On peut citer Mamadou Diouf, Achille Lumumba, on peut, moi-même d'ailleurs, c'est-à-dire d'impossibilité de carrière universitaire en France, et qu'elle va trouver aux États-Unis. Elle va trouver aux États-Unis, et surtout la carrière qu'elle aura à Columbia University, où elle va pouvoir fonder vraiment toute la partie des études francophones, enfin des études de la littérature francophone, dont elle était très fière. Et elle a été une professeure extrêmement aimée, extrêmement admirée, parce que je connais certains de ses étudiants et étudiantes qui ont gardé un souvenir extraordinaire d'elle. Oui, elle est une vraie référence aux États-Unis, dans le monde universitaire, sans doute plus qu'en France, on va le constater cette semaine, avec beaucoup d'invités qui sont des invités qui travaillent en réalité outre-Atlantique. Elle a eu du mal quand même aux États-Unis, parce qu'elle pensait, là encore, qu'elle allait trouver chez les Noirs américains une espèce d'immédiate sympathie. Et même dans l'université, elle n'a pas trouvé cette connexion. Oui, oui, elle en parle de nouveau très bien. C'est en fait qu'il n'y a pas de spontanéité, comment dire, d'amitié spontanée entre les Noirs. C'est pas, elle est guadeloupéenne, elle a vécu ici et là, et c'est pas pour autant que les Noirs américains vont lui dire ben, « Bienvenue ma sœur ». C'est une déception ça pour elle ? Un peu, parce qu'on aimerait bien quand même trouver des... Je suppose que chacun, on aimerait bien trouver des communautés dans lesquelles on peut se reconnaître un peu, avec laquelle on partage des choses. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'expliquer, elle est noire, bon, ben, elle se retrouve avec des Noirs, elle n'a pas besoin de passer 15 minutes à expliquer en quoi elle est noire. Et voilà, elle va réaliser que les Noirs américains, d'une part, sont aussi américains, je veux dire la deuxième partie de l'appellation compte, et qu'ils ont parfois une relation très, très distanciée au continent africain, et alors aux Caraïbes encore plus, et à des îles comme la Guadeloupe, alors là c'est très loin, avec un sentiment aussi qu'il y a que des Africains leur ont reproché, des Caribéens, que leur expérience et l'expérience au sens l'unique et la plus importante expérience noire dans le monde. Et puis on n'a pas eu le temps de dire que depuis 2005, qui est l'année de la retraite de Marie Scondé, elle vit à présent en France métropolitaine, à Gordes. Exactement, merci beaucoup Françoise Vergès d'avoir partagé avec nous votre regard sur la vie de Marie Scondé. Je rappelle donc votre documentaire Marie Scondé, une voix singulière, diffusé sur France 5 en 2011. Et puis plus récemment, vous avez publié Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme, aux éditions Albin Michel. Demain, nous serons en compagnie de Françoise Pfaff pour poursuivre notre exploration de l'œuvre de Marie Scondé. Mais avant cela, c'est la poésie Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour à tous. Le printemps s'annonce très en avance. On le prévoit pour début mars, l'habituel printemps des poètes. En piste pour la com, on en négligerait le vieil hiver, thème poétique. Essentiel et rebattu, le vieux général, son manteau de froidure, ses belles images, mais où sont les neiges d'antan? Moi, je vous le demande un peu. Guignon d'hiver, c'est de 1205, je vous le recommande, du Ruteboeuf. Contre le temps qu'arbre des feuilles, vers le temps que l'arbre s'effeuille, qu'il ne reste aux branches feuilles qui naillent à terre, terrassé par la pauvreté qui de toutes parts m'assaille, en cet hiver qui a bouleversé le cours de ma vie, je commence mon très triste dit par un pitoyable récit. C'est peu d'esprit et de mémoire que m'a donné Dieu, le roi de gloire. Peu de bien aussi, et froid au cul quand souffle la bise. Le vent me vante au visage, le vent m'évente, et c'est trop souvent que je sens les rafales du vent. Le guignon m'avait bien promis tout ce qu'il me livre. Il me paie bien, il s'acquitte bien envers moi, et pour un sou, il me rend une livre de misère. Pauvreté s'est de nouveau abattue sur moi, sa porte m'est toujours ouverte. Ce vieux texte de Ruteboeuf, Guignon d'hiver, 1250, pas 12,5 degrés, qu'est-ce que tu me racontes? Pour ouvrir la semaine froidure, dédiée à Vanité, carré, misère, texte d'Yves Boudier, paru à l'acte même. Orfèvrerie, faïence, porcelaine, dans les jardins, les rues, contre les murs, cristaux, verres, carafes, napperons. Sur les trottoirs, sous les cages d'escalier, pinceaux, couleurs, sanguines, les caves, les tunnels, les replis, camées, dentelles, médaillons, souterrains, les parkings, le métro, colliers, bijoux, phares, onguents, sous les ponts, sous les quais, rubans lisses, pivoines, églantines, les voies ferrées, les gares, fruits, grenades, figues, sous des tentes de fortune, des cabanes de barbarie, tabac, épices, de carton, de plastique, de planche, vanité carré misère, opposition d'un luxe scintillant avec le petit carré des SDF. La poésie française, nous dit Michel Deguy en préface, commence par le testament de François Villon. 6 siècles plus tard, Yves Boudier prend position dans la descendance. Chaque section du livre se place sous la citation d'un vers ou deux tirés de l'épitaphe du poète, la balade des pendus. Frères humains qui, après nous, vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car c'est pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés 5-6, quand de la chair que trop avons nourrie, elle est piéça, dévorée et pourrie, et nous, les os, devenons cendre et poudre. Merci Jacques Bonafé. Vous consacrez votre semaine de lecture de poésie à une thématique bien d'actualité, c'est-à-dire le froid, avec des textes de Bernard Delvaille et d'Yves Boudier.